Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le gouvernement burundais envisage d'instaurer une journée dédiée aux jeunes plus audacieux, une journée dite Ingerebutsi Day. Ceux qui vont élaborer des projets plus innovants seront récompensés. Et le Fonds monétaire international FMI a promis d'appuyer le Burundi pour booster son économie. La promesse a été tenue lors de l'audience lui accordée par la primature ce vendredi. À Makamba, nous sommes au sud du pays. Seuls 7 établissements scolaires sur plus de 30 de la commune Makamba ont obtenu la moitié à l'examen d'État édition 2022. La direction communale de l'éducation dans cette commune appelle les enseignants à l'échange d'expérience. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Anselme Irambona assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, le gouvernement burundi va instaurer une journée nationale dite Ingerebutsi Day. Elle sera célébrée chaque année, annonce du président de la République du Burundi lors d'une rencontre avec les jeunes entrepreneurs ce vendredi à Bujumbura. Évariste Ndayishimiye a promis que les meilleurs seront primés. Suivez-les, il est traduit en français par Aaron Ndoyez. Chaque année, nous allons célébrer Ingerebutsi Day. Je l'ai déjà institué. C'est à cette journée qu'on va évaluer les meilleurs innovateurs de l'année. Je veux introduire un trophée qui sera décerné au premier innovateur. Nous allons constituer un jury pour la sélection à ce que celui qui l'aura à la maison lui sert un grand souvenir de l'année et constituera aussi un modèle aux jeunes, même pour les autres générations, qui se souviendront qu'il y avait eu des moments où les gens travaillaient fort. Pour le moment, je suis en train de faire un design d'un trophée avec sa valeur incitante pour que celui qui n'a pas gagné cette année l'encourage à doubler l'effort pour la prochaine. Et la primature a reçu en audience ce vendredi la représentante du Fonds monétaire international FMI. Aston Diouf a précisé que son entretien avec le Premier ministre Gervais Ndirakobucha était basé sur les thèmes du programme de faciliter l'accès au crédit qui est un programme économique et financier du Burundi soutenu par le Fonds monétaire. Elle a signalé que ce programme aidera dans l'élaboration de la politique macroéconomique. Le programme s'étendra sur une durée de 40 mois à peu près, 3 ans et demi, à partir de la date d'approbation du Conseil, une fois que les négociations seront terminées. Et c'est un programme qui vraiment, au-delà de la dimension financière, de l'appui financier, c'est une aide à l'élaboration des politiques macroéconomiques pour s'assurer que la croissance économique puisse s'accélérer et être soutenue, mais aussi être soutenable, et que les politiques macroéconomiques puissent être porteuses de stabilité macroéconomique. Le Premier ministre a en particulier insisté sur le fait que tout programme macroéconomique devrait s'assurer d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi et en particulier les conditions de vie des populations rurales, les cultivateurs qui sont loin des villes mais qui ressentent les contre-coups de toute politique et de tous les chocs, en particulier les chocs que vous connaissez en ce moment liés à la géopolitique mondiale. Donc ça lui tient vraiment à cœur et nous aussi. On s'est entendu sur un ensemble de mesures, des dimensions à intégrer dans le programme pour s'assurer que l'inclusivité de la croissance soit vraiment prise en compte dans ce programme. Le journal continue sur Isanganiro, le journal Zen Planet qui s'occupe de l'éducation des jeunes adolescents lance un cri d'alarme aux parents à mairie de Bujumbura de fournir plus d'efforts pour l'éducation sexuelle de leurs enfants. Cet appel a été lancé ce samedi dans une rencontre organisée par ce journal avec les parents du lycée municipal d'Orohero. Pour éviter la dégradation de l'éducation sexuelle de leurs enfants, Gentille Fanny Nahimana, directrice de Zen Planet, appelle les parents à organiser le dialogue en famille. Suivez ces propos, ont été recueillis par Evariste Ndikobanyang. Au lycée municipal Rohero, nous avons préparé un week-end avec les parents d'adolescents. C'est un des programmes que nous avons de sensibilisation pour les parents. Et on a compris avec les échanges qu'on a eus avec les adolescents qui nous disaient bah, maintenant on peut parler, on peut oser poser des questions aux parents, mais ils n'arrivent pas à nous répondre. Et finalement, on a compris ce blocage des parents. On voudrait maintenant aider les parents à avoir les mots justes, à avoir les stratégies de communication sur la sexualité avec leurs adolescents. Donc, c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on a appelé les parents pour qu'on puisse les capacités, si vous voulez, dans ce domaine de communication sur la santé sexuelle ou la sexualité. Si les parents ne communiquent pas avec leurs enfants, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont multiples. On aura les grossesses non désirées, ça c'est déjà très visible. On a beaucoup de cas d'abandon scolaire des filles qui sont dues aux grossesses non désirées. On aura les drogues, les consommations des stupéfiants. On aura la délinquance dans la société. Il y aura aussi la mort, parce que après, quand les filles sont tombées enceintes, il y en a qui essaient de faire des avortements. Et comme elles ont peur d'aller aux hôpitaux, très souvent, elles essaient d'aller faire des avortements clandestins qui résultent par moment aux morts. Ou alors, il y a également aussi les maladies sexuellement transmissibles. On a toutes ces conséquences qu'ils vivent parce qu'ils sont ignorants de la bonne information. Aujourd'hui, quel est l'appel aux parents qui font sourde oreille? J'appelle les parents à oser parler. C'est vrai que c'est pas évident d'ouvrir le débat sur la santé sexuelle, sur le sujet de la sexualité, mais oser ouvrir. J'aime pas quand les parents me disent qu'ils n'ont rien à dire à leurs enfants. Mais non, toi, le parent de 42 ans, comment tu peux ne pas avoir à dire à ton enfant de 12 ans, de 13 ans? En fait, l'éducation sexuelle, c'est pas vraiment... La sexualité, c'est le bien-être, c'est la vie de tous les jours, de la vie. Et je suis sûre que ce qu'ils ont déjà vécu est suffisamment efficace pour pouvoir protéger les enfants. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. 6 ans de prison fermée et une amende de 500 000 francs burundais, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance d'Ormongué. C'était ce vendredi dans un procès de flagrance contre un certain Claver Munani, récemment attrapé avec plus de 2000 litres de mazout. Cet homme originaire de Nyabiraba, en province Bujumbura, a plaidé non coupable de ce vol, mais qu'il avait été mandaté par son patron pour embarquer vers Bujumbura de l'huile de palme, les bidons qui contenaient ce carburant ayant été peints en huile de palme. Claver reconnaîtra seulement sa tentative d'évasion après son arrestation. Ce carburant sera vendu et l'argent versé dans le trésor public. Dans cette audience publique, un autre homme de Karonda, commune et province de Lumongue, était également à la barre des accusés pour spéculation sur le ciment Bousseko. Celui-ci a plaidé coupable et devra payer une amende de 500 000 francs. En plus, les 109 sacs de ciment à sa possession seront vendus aux enchères et l'argent sera versé dans le trésor public de Lumongue. Cap sur Makamba, toujours au sud du pays, où seul cet établissement scolaire sur 31 de la direction communale de la commune et province Makamba ont enregistré le taux de réussite d'au moins 50% dans l'examen d'État édition 2022. Lors de la réunion tenue ce vendredi par la direction communale de l'éducation, à l'intention des directeurs et enseignants des classes terminales du poste fondamental, le directeur a demandé aux enseignants de même cours à l'examen d'État et dans les mêmes sections de se rencontrer dans les réseaux scolaires au moins une fois par semaine pour l'échange d'expériences, n'est-ce pas, Élisée Kwizera? Au cours de cette réunion, tenue par le directeur communal de l'éducation Makamba, à l'endroit des directeurs et des enseignants des classes terminales du poste fondamental, tous ses côtés reconnaissent que le taux de réussite à l'examen d'État édition 2022 dans cette direction communale n'est pas satisfaisant, bien que la même direction se classe première dans la direction provinciale de Makamba. Selon les données fournies par le directeur communal, seuls 7 sur 31 établissements scolaires qui ont été représentés à l'examen d'État ont enregistré le taux de réussite d'au moins 50% et 9 zéro réussite. Évariste Nzovonima, directeur communal de l'éducation de Makamba, demande aux enseignants de reconnaître leurs défaillances et faiblesses et de se rencontrer dans les régions scolaires au moins une fois par semaine pour ceux qui enseignent les mêmes cours et dans les mêmes sections pour l'échange d'expériences, sans toutefois oublier d'achever le programme des cours au accomplissent le 15 mai en faveur des préparatifs à l'examen d'État. À propos des écoles privées, il leur interpelle de faire avancer les élèves qui le méritent, étant donné que ce sont ces établissements qui ont des effectifs importants dans les classes terminales par rapport à ces publics. Depuis Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Et pour boucler cette édition, la coopérative des jeunes Turashoboye qui fabrique différents objets dans les pots des animaux en commune et province Kayanza contribue dans le développement par le biais des taxes qu'elle paie. Propos de Consolate Majambere, conseillère de l'administrateur de cette commune en charge du développement. Pourtant, Toi Vincent, président de la coopérative, déplore qu'il y a des Burundais qui ne préfèrent pas des produits fabriqués chez eux. Consolate Majambere fait savoir que l'administration projette et renforce l'encadrement des coopératives des jeunes pour lutter contre le chômage. Patrick Sengéumva. Certains des objets fabriqués dans des pots par l'association Turashoboye sont surtout des souliers de type sandal et d'autres dibou carrés, des sentirs pour hommes, des sacoches et porte-monnaie. Toi Vincent, le président de la coopérative, fait savoir que depuis 5 ans que la coopérative est en activité, elle compte déjà 39 membres adhérents composés surtout de jeunes gens qui ont terminé leurs études secondaires. Le président de la coopérative Turashoboye indique également que l'idée de fonder la coopérative a jailli surtout pour lutter contre le chômage chez de jeunes scolarisés après leurs études. Bien que Toi Vincent précise que l'un des défis majeurs auxquels fait face le bon fonctionnement de la coopérative est souvent le manque du marché d'écoulement de leurs produits, le président de la coopérative, Turashoboye, demande de l'appui de l'administration et d'autres associations en charge du développement des jeunes. Le même président de Turashoboye indique que dans des foires organisées dans d'autres pays de la sous-région, des étrangers préfèrent beaucoup leurs produits malgré le manque du marché local. L'administration communale Kayanza apprécie positivement le rôle de la coopérative des jeunes Turashoboye dans le développement communal à travers les impôts et taxes payés et surtout aussi pour la contribution dans la lutte contre le chômage chez de jeunes. Consolate Majambere, conseillère de l'administrateur en charge du développement, promet en collaboration avec d'autres associations en charge de l'appui des jeunes dans le développement, le renforcement de l'encadrement des coopératives de jeunes et surtout les réunir dans des réseaux afin de contracter facilement des crédits à la banque et d'investissement des jeunes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Anselme Irambona pour la mise en onde. Au revoir.